18° piano, sud-est. T'as la circulation qui revient fréquemment, notamment surtout à 7h ou 17h aux heures de pointe. Quelle émotion te procure les sons que t'entends? Qu'est-ce qui te dérange ou ce que t'aimes bien dans les sons que t'entends ici? On va dire que ça va être plus de la gêne, notamment liée aux voitures, ou ce style-là. Et je pense que ça vient aussi de l'isolation des fenêtres qui est un peu ancienne. Terzo piano, sud-ouest. Dans mon bâtiment, ils ne changent pas le fenêtre. C'est pas une fenêtre isolée. Et on est à côté de l'hôtel de police. Et tous les jours, toute la nuit, on a bruit Et le bruit, c'est dans ma maison. D'accord. Il y a beaucoup de bruit. Peut-être pour moi, parce que je n'ai pas habitué au bruit pendant la nuit quand j'ai dormi. C'est un peu étrange pour moi. Ça m'énerve franchement, mais je n'ai pas autre choix parce que je suis étranger ici. Secondo piano, nord-ouest. Le bruit du sol est atténué. Vraiment, le bruit, c'est les murs. Moi, je me suis aperçu que quand on frappe les murs, ça résonne. Le contre, c'est qu'on n'entend pas un voisin, mais 3-4 voisins. Et surtout les travaux, des fois, on a l'impression que au-dessus de nous, il y a des travaux, mais en fait, des fois, c'est 3-4e étage. Quand vous faites des travaux, vous utilisez des machines extrêmement puissantes, et donc le bruit... Ok, oh là là. Oui, je vous ai dit, bon, j'entends rien. Oui, c'est vrai, vous n'entendez pas. Quattordicesimo piano, nord-ouest. J'entends des hélicoptères, des vibrations. Et le vent. On entend plus les bruits justement du ciel. Je me sens trop bien ici. Plus je suis haut, mieux je suis. Il y a moins le stress de la ville en fait. C'est d'autres, ouais, c'est d'autres sons. Residente anziana al 17° piano nord-ouest. Je travaille ici, j'ai un cabinet ici, ouais. Et j'ai habité par contre au 17e étage. Okay. Au 17e étage, avec vue sur Beldon, de l'autre côté du boulevard, et le silence est d'or. Ah ouais. Le silence est véritablement d'or. 14e piano, nord-est. Oui, on fait une petite enquête, c'est dans le cadre de la semaine du son à l'école d'architecture de Grenoble. Oui. Votre logement, est-ce que vous voyez une différence Ah ben, je suis dans une bulle, je dirais que je suis sur un petit nuage, quoi. Et que j'aime bien être dans mon donjon. Je suis apaisée quand je suis là-haut, je suis vraiment... Okay. Vous êtes déjà allé dans les tours On est déjà allé, oui. Ouais. Après, si vous voulez nous emmener... Ouais, bah écoutez, si vous voulez, montez avec moi. Bah allez, avec plaisir. Ah, bon, il va falloir signer les clés. Vous les avez besoin d'un peu. Vous voulez qu'on vous aide Non, bon, prenez mes fleurs, voilà. Vous allez changer du rez-de-chaussée En fait, oui, parce que j'habitais au centre-ville. Et j'avais déjà les nuisances des voitures. Ouais. Plus les cadeaux en poubelle, c'était horrible. Ouais, ouais. J'en pouvais plus. Maintenant, voilà, on est au 14e. On est au milieu de la tour, là. Ouais. Entrez. On est où là? On est au paradis là. Regardez, venez. J'entends à peine le bruit. Ah oui, pourtant il y a la route juste là. Oui, mais j'entends pas trop. Hein. J'ai vraiment. Il y a des jours où je prends des photos et je me dis, mais à qui je peux envoyer ça, quoi? C'est tellement beau. voilà, bon, je le partage, mais on a du mal à y croire, quoi. Ça, c'est magnifique. Je vais vous montrer notre pièce. Encore, je vais fermer la fenêtre parce que ça oui, fait un peu le courant d'air ici, terrible. Alors, quand il y a du vent, par contre, c'est spécial ici. Moi, je suis avec des matériaux neufs au niveau des fenêtres, donc c'est pour ça que c'est. Pour moi, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de. Là, je vais ouvrir les volets. S'il me suit, il va venir. Oui. Ouais, mais là, il faut fermer la porte. Ah, parce qu'il y a le courant d'air. Non, pas la fermer, juste la pousser, allez-y. Voilà. Poussez, allez-y, poussez fort. Voilà. Parfait. Là, on est sur un autre versant. Allez-y. Yes. Là, vous voyez tout le vieux commerce sur votre droite. Merci. Alors, regardez à droite, vous avez tout le vieux Grenoble. Et le soir ici, c'est extraordinaire. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Oh, c'est magnifique. Enfin, voilà. Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Vous avez fait une petite visite. C'est très gentil, merci. Il y a tellement de contraintes dans ces tours. Il n'y a pas de fête. Mm. Bah, il y a pas mal de choses. Il n'y a pas de gaz. Il y a plein de trucs qui sont interdits. Hein. Au niveau de la sécurité. Il n'y a pas de paillasson. Ah oui, pourquoi? Oui, par cas de feu, c'est terrible. Ah. Et moi, quand j'habitais pas ici, je pouvais pas les voir. Hein. Je me disais, je pourrais jamais habiter dans un truc comme ça. Définitivement. Et puis quand j'ai visité, on m'a dit au 14e, je ne pourrais jamais m'y faire, non, c'est pas possible. Bah, écoutez, j'ai vraiment trouvé du bonheur. Et on a une qualité de vie qu'on n'a pas ailleurs. Voilà, vous avez deux cages d'escalier si vous voulez faire les 14e étage. Oui. Il n'y a pas de rang. Ouais, on peut facilement tomber. Bon, voilà, la qualité, bonne fin de journée. Merci. Addetto alle pulizie. Donc ça fait 20 ans que vous êtes là, et est-ce qu'il y a eu un changement au cours des années au niveau du bruit? On a une population de plus en plus jeune. Donc vous faites beaucoup de bruit, vous faites des fêtes. Moi je suis sur les paliers et j'entends les gens discuter dans les appartements. Donc il suffit qu'il y en ait un qui joue en ligne ou qui écoute la télé trop fort, le voisin il participe à la fête. 23e piano, nord-est. J'entends les oiseaux. J'entends l'hélicoptère. Qu'est-ce que je peux entendre encore? Les avions, je peux entendre éventuellement des avions s'ils ne volent pas trop. Les grenouilles, à certaines périodes de l'année, quand elles se reproduisent. Okay. Les sons quand même ont tendance à monter, donc je ne pense pas que ce soit très très différent. Terzo piano, nord-ovest. Bon, là, on n'entend pas, mais souvent, j'entends les ascenseurs. Mais oui, on entend un peu plus tout ce qui est ascenseur, les voisins dans le couloir. Mais oui, je dirais qu'il y a du bruit tout le temps, hein, si on regarde. Quand on rentre et qu'on entend encore du bruit en continu, par exemple, quand on travaille de nuit, mine de rien, il y a le bruit, quoi. Donc, on dort, mais on sait pas vraiment l'impact que ça a sur le sommeil, quoi. 12e piano, nord-est. D'une part, j'ai la chance d'être, de ne pas être du côté rue. Et d'autre part, j'ai une faculté à m'isoler assez facilement. C'est-à-dire que j'ai trois balcons, dont un qui est un peu en terrasse, là. Et je suis tout le temps dessus. Donc le bruit ne m'importune pas plus que ça. Je ne fais pas attention au bruit. Primo piano, sud-est. Portinaio. Ouais, moi je suis au premier étage. Qu'est-ce que vous entendez en général chez vous? Quand j'ai les fenêtres ouvertes, beaucoup le son de la circulation. Et là, quand on est en haut de la tour, on n'est pas sur le toit mais presque. Et qu'est-ce que vous entendez? On entend encore la circulation, mais c'est quand même plus lointain, c'est plus diffus, c'est quand même, c'est plus calme et apaisant que dans mon logement. Ouais, ouais, on se sent coupé de tout un peu. Pourtant, on n'est pas très loin, on est à peine à 100 mètres à vol d'oiseau de où on était tout à l'heure, mais ouais, je sais pas, on se sent inaccessible un peu. Enfin, y a un petit côté comme ça, hors du temps, hors de tout, c'est cool. Il y a un côté un peu, je sais pas, hors de portée un peu ici qui est hyper appréciable. Je sais pas, c'est un condensé en fait, les sons de la ville.